Au loin, luit le feu de Holly. Dans la nuit, elle marche le long des rails à la lumière des étoiles et n'éprouve aucune crainte des animaux. Cette peur ancestrale, coutumière des animaux sauvages, a disparu depuis qu'aujourd'hui, elle a tué le plus gros de tous. Cette semaine, Bollywood sera versus... Avec le reconfinement, je me suis un peu remis à lire des livres. Ouais, les livres. Vous savez, ces trucs rectangulaires, là, avec des pages dedans et des mots écrits, ce truc qui renvoie de disparition. Parce que selon le gouvernement, bah, les livres, c'est un produit qui serait non essentiel. Moi, j'ai tendance à monter sur mes grands cheveux. Ah bah si, c'est vraiment essentiel. Voilà. Bonjour tout le monde, bonjour amis lecteurs, bonjour amis lectrices, bonjour Julie. Ah, on a changé de podcast apparemment. Tout à bonjour fait. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toutes les auditrices, bonjour Mélanie, et puis eh ben, bonne rentrée, puisque nous sommes le week-end de la rentrée. C'est vrai, bonne rentrée, on espère que la reprise des cours ou du boulot, ça s'est bien passé. Voilà, que vous avez passé un bel été, que vous avez pu rattraper ou écouter les épisodes qui sont sortis également cet été. Mélanie, on a parlé de quoi cet été ? De quoi avons-nous parlé cet été ? Oh bah bravo ! Je sais même plus. On a parlé de Mister India. Oui, voilà, on a parlé de Danak. Mais oui, Danak, oui, ça c'était donc les deux épisodes du mois d'août et au mois de juillet. Bah, on a parlé de Triple R avec Nana Arland. Ah oui, rrr. Et il en manque un. Et je m'en souviens pas. Ah bah bravo. Ah, les filles sont très au point sur leurs propres épisodes, c'est fantastique. Mais en fait, c'est pas notre faute parce qu'on parle de tellement de films qu'on finit par oublier. Bon, on a fait les Bollywood versus Awards. Ah oui, tout à fait. Bah, en plus, nous aussi, on est partis en vacances, donc on a fait une grosse pause. Donc, on a un peu zappé tout ce que... Bah oui, tu as raison, puisqu'effectivement, Triple R était le 99e épisode et que du coup, derrière, pour le 100e, nous avons fait nos fameux Bollywood versus Awards. Et bah, du coup, comme chaque année, durant l'été, on s'est fait nos petites lectures indiennes et on revient pour la rentrée pour vous en parler. Alors, pour ma part, j'ai fait trois lectures. Julie en a fait quatre, enfin, trois et demi du coup, puisque, spoiler, il y a eu un abandon. Alors, techniquement, si on rajoute aussi la BD, du coup, j'ai fait quatre et demi de lecture. Oui, parce qu'en fait, on a fait un swipe, en fait. On a fait un swap, on a fait un échange de livres. On a échangé nos lectures de l'été. Donc, Julie a lu le Mahabharata et moi, j'ai lu Une passion indienne. Enfin, je ne l'ai même pas lu pendant l'été, je l'ai lu un petit peu avant, mais on va dire que ça compte quand même, voilà. Oui, voilà. Donc, si vous ne savez pas, on avait déjà parlé de ces deux lectures précisément l'an dernier. Donc, vous retournez sur notre épisode des lectures de l'an dernier. On va reparler quand même un petit peu, parce que du coup, c'est sympa d'avoir maintenant l'avis de l'autre, puisque au départ, bon, on n'avait qu'un seul avis, là, on en aura deux. Donc, est-ce qu'on se rejoint ? Est-ce qu'on ne se rejoint pas ? Le suspense est intense. Et effectivement, on a eu des nouvelles lectures, puisqu'on profite à chaque fois de l'été pour se reposer et lire, puisqu'on aime bien ça. Alors, Mélanie lit beaucoup, beaucoup, hein, bien plus que moi. voilà, on va vous raconter tout ça. Voilà. Alors, bah, je vais juste commencer par une passion indienne que tu as lue l'année dernière. Tu avais adoré. Tout à fait. Sans surprise, j'ai adoré aussi. Alors, c'est de Ravière Moreau. Voilà. Et donc, ça nous raconte l'histoire de la dernière princesse de je ne sais plus quel royaume, parce que je n'ai absolument aucune mémoire. Kapurthala. Voilà, merci beaucoup. Et donc, ça nous retrace toute sa vie. C'est vraiment une espèce de biographie romancée, puisque vous trouvez quand même des dialogues. Mais c'était hyper prenant, c'était vraiment passionnant. On avait vraiment envie de savoir ce qui allait lui arriver à cette princesse qui est une Espagnole, en fait, qui était une jeune femme espagnole, issue d'une famille pauvre. Et en fait, il y a un maharaja un jour qui a eu un gros coup de cœur, qui s'est dit « toi, tu vas être ma nouvelle épouse, girl ». Et donc la pauvre s'est envolée en Inde où elle est restée pendant, je crois, une vingtaine d'années. Et ça s'est fini par un divorce avec le Maharaja. Mais c'était vraiment passionnant. J'ai adoré. Et c'est le genre de figure historique, mais qui est tellement pas connue et qui mériterait un Bollywood. Ah mais ouais. Exactement, moi j'avais adoré cette lecture. Donc ce qu'on appelle une biographie romancée, c'est que c'est véritablement en fait une biographie, hein. Il y a énormément de recherches qui ont été faites dessus, mais la façon dont c'est écrit, c'est un peu moins chiant que les biographies très universitaires, on va dire. Et effectivement, il y a des dialogues, sachant que ce qui était intéressant avec cette femme-là, c'est que comme elle a énormément écrit de journaux intimes, on a beaucoup de sources en fait sur lesquelles s'appuyer pour retracer sa vie et ses sentiments et ses ressentis, comment elle a vécu cet exil et puis tous les complots, parce que vraiment c'est vrai que c'est un film Bollywood, hein. Il y a des complots, il y a des trahisons, il y a des liaisons, il y a du sexe, enfin voilà, c'est assez fantastique. Mais et Ben et Sally pourtant pourra adapter sa vie. Non mais il faut qu'on envoie un petit mail à Sanjay et qu'on lui explique, lui qui aime bien les histoires avec des personnages, de l'histoire. Mais alors, on est dans les années 20, et c'est totalement la description, son style. Ouais, vu que t'as les descriptions des palais, en plus, moi, j'imagine tellement Anita qui court dans le palais et tout, façon drama, façon Devdas, quoi. Ah, mais carrément, il y a le décor, carrément. Les décors s'y prêtent. Donc, n'hésitez pas à enfoncer, lire ce livre, qui a une couverture qui ne lui rend pas hommage, et un titre qui ne lui rend pas hommage non plus. Franchement, quand tu vois le titre, tu dis « Ok, donc c'est un roman harlequin, en fait, mais pas du tout !» Non, pas du tout. Du coup, est-ce que je peux en profiter et rebondir justement sur l'une de mes lectures? Parce que c'est une lecture qui est quand même assez similaire à « Une passion indienne » de Javier Moreau. Je vais pas t'en empêcher. Je te demande, hein. J'aime bien quand tu demandes la permission, voilà. J'ai l'impression d'avoir du pouvoir, d'être toute puissante. Oui, tu peux, Julie, je te l'accorde. Merci, prêtresse de la lecture. Alors du coup, dans mes lectures de cet été, ça a d'ailleurs été ma première lecture, j'ai lu le dernier Maharaja d'Indore, qui est donc, étonnamment, un livre en fait. Donc nos lectures, on les a pour la plupart achetées lorsqu'on a fait le Festival du Livre à Paris, qui oui. avait justement mis à l'honneur l'Inde à ce moment-là. Ça tombait, non mais pile poil. Il n'y a pas de hasard. Non, dans la vie, il n'y a pas de hasard. C'était et donc, le dans... destin. Il y avait toute une zone dédiée justement aux bouquins sur l'Inde. On se dit parfait, c'est le moment de faire notre shopping list. D'ailleurs, on a du mal à la trouver. Oui. La zone dédiée à l'Inde. On était un peu perdus. Ouais. Et du coup, c'est assez marrant parce que j'ai pas trop fait gaffe, j'ai juste attrapé les livres qui me donnaient envie. Et en fait, ce bouquin était sorti en avril de cette année. Donc vraiment, il est tout nouveau. Tout neuf sur les étals. Donc, il est aux éditions Seuil. Et un peu comme pour Une passion indienne, en fait, c'est une biographie romancée. Et je pense que les biographies sont devenues mon nouveau kiff. Vraiment, parce que ça m'a fait comme Une passion indienne. J'ai adoré, j'ai trouvé ça captivant. En fait, cette façon de raconter la vie d'un personnage qui a existé, et du coup c'était voilà, j'ai plongé dedans. On est dans la même époque puisqu'on est sur donc du coup un Maharaja dont le plus gros de sa vie s'est passé entre les années 20 et 30, où on sent que c'est une grande période d'émulation, l'Occident et l'Europe fait énormément rêver, et comme le Maharaja du Kapurthala, alors ils sont allés aux mêmes endroits mais ils se sont pas croisés, c'est ça qui est assez amusant, parce que t'en as un, c'était un peu le flambeur, donc c'était le Maharaja du Kapurthala, qui aimait les jeux, la fête, les femmes, etc. Alors que celui d'Indore, il était plus artiste, grand peintre, théâtre, mobilier, voilà, il adorait la modernité, vraiment tout ce nouveau courant qui arrivait dans l'art déco, notamment au niveau du mobilier, et qui a voulu voilà, rapporter un petit peu tout ça en Inde. Donc on va suivre un peu toute son histoire. Et encore une fois, c'est passionnant, parce qu'il a une famille un peu tumultueuse, donc je vous spoil pas trop, je vous donne juste des petits trucs, mais par exemple, on sait que voilà, c'est un Maharaja qui descend d'un père et d'un grand-père qui avaient pas mal de soucis avec le gouvernement britannique du coup, qui à ce moment-là donc régnait en Inde parce qu'ils étaient un petit peu anti-colons. Donc lui, il descend de là, c'est compliqué. Il a une mère qui est compliquée. On le marie à une jeune épouse qui va vraiment être, qui a ouais la moitié de son âge à ce moment-là quasiment. Et donc du coup, il va falloir qu'il attende, etc. Et donc voilà, il va être beaucoup émulé par l'Europe, par l'architecture, par la déco. Et donc il va se passer tout un tas de choses dans sa vie. Ouais, c'est assez passionnant. Donc ça a été écrit par Géraldine Lenain. Donc c'est une titulaire d'une maîtrise d'histoire de l'art à la Sorbonne. Wink wink, Mélanie. Voilà, et donc, elle, pareil, dans sa carrière, elle a été très orientée, donc, du coup, art, histoire de l'art. Actuellement, elle vit à Shanghai, et donc, voilà, elle a décidé d'écrire sur lui. Il y avait notamment le Musée des Arts Décoratifs de Paris, qui avait fait toute une expo en lien avec, justement, ce Maharaja. Donc, c'était en 2019-2020. Donc ça, on l'a loupé, mais du coup, j'avais vu passer vite fait les infos au moment où je m'étais renseignée, du coup, par rapport à, okay, à mon bouquin. Alors, Indore, si vous vous demandez où c'est, bah, c'est pile au centre de l'Inde. Vous voyez l'Inde, vous jetez une flèche, c'est au centre, voilà. C'est là. C'est bien, on apprend la géographie avec Julie. Hein. Tout à fait. Carte de l'Inde, tu jettes une fléchette, c'est là. C'est au centre. Voilà, voilà. Et puis, bah, en plus, il y a des photographies, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, comme c'est dans les années 20, bah, on peut voir à quoi il ressemble, ce gars, parce qu'il a pris... il a été beaucoup pris en photo. Alors, c'est un peu marrant, si vous allez regarder ce... Comment ? Si vous allez voir ce Maharaja, je trouve qu'il a... C'est pas très gentil, mais il a un profil un peu Nostradamus. C'est-à-dire qu'il est genre D'accord. hyper fin. En fait, il a notamment un tableau de lui où il est censé être un dandy des années 20. Sauf que du coup, il est en costume, trois pièces, noir et blanc, avec une cape sur les épaules. Et comme c'est un gars qui était hyper fin, avec des lois très longs et très fins également, il y a une posture, il y a un peu un côté vampire Nostradamus, tu vois. Voilà, donc en gros Mais Julie, Nostradamus, c'était pas un vampire. Pourquoi ça, c'est pas un vampire? C'est Nosferatu, plutôt, non? Plutôt ah oui, pardon non. Depuis tout à l'heure, je suis là à dire Nostradamus, et tu m'arrêtes même pas, tu sais. Bah là, je t'arrête, mais c'est juste que j'ai un bug et tout, puis tu sais, quand tu commences à dire le vampire, je dis... Attends, Nostradamus, le vampire? Non, je pense à Nostradamus. Oui. En plus, tu dis... Ok, le mec, il ressemble à Nostradamus, vraiment genre un astrologue, tu sais. Ouais, j'étais en train de me dire, quoi, il faisait des prédictions et tout ça, il voyait l'avenir, qu'est-ce qu'il me raconte? Bon, du coup, je vais la refaire, hein. Ah non, ça, on le garde. Ah non. Si... Donc voilà, donc on suit toute la vie de ce Maharaja indien, voilà, qui fait partie de la dynastie des Holkar. Et voilà, j'ai trouvé ça tout simplement passionnant. Mélanie, je te le passerai et je pense que tu passeras un très bon moment dans cette lecture. D'accord. Mais du coup, le fait qu'il ressemble à un vampire, moi, ça me fait vachement penser à ta BD du coup que tu avais lu l'année dernière. C'est peut-être relié tout ça, hein ? C'est pas les mêmes époques et c'est pas le même genre de vampire. Mais du coup, tu ne nous as pas dit non plus ce que tu as pensé du Mahabharata, alors. Alors, effectivement, du coup, l'an dernier, tu nous avais parlé de cette énorme BD du Mahabharata. Et alors, je confirme, j'avais l'impression d'avoir un manuscrit de thèse entre les mains. Vraiment, ça ressemblait au mien, genre l'épaisseur, là, vraiment, le truc est énorme. Et ben, j'ai beaucoup aimé. Très franchement, c'est un travail mais phénoménal, vraiment, parce que la BD d'abord est excessivement bien illustrée, vraiment bravo aux illustrateurs, tout est en couleur et ça en fait des pages, vraiment, et donc voilà, c'est hyper impressionnant, c'est très agréable à lire, ça m'a beaucoup fait penser, parce que du coup, voilà, c'est de la mythologie indienne, c'est un des plus grands texte fondateur, et ça m'a beaucoup fait penser à la mythologie grecque. On retrouve vraiment ce côté panthéon de dieux et de déesses, d'intervention sur terre, de cul partout, hein, parce que c'est toujours comme ça, hein, c'est les dieux, ils couchent c'est à droite, ils couchent à gauche, et t'as des demi-dieux, et puis t'as d'autres demi-dieux qui sortent des éléments naturels, donc c'est un peu les gamins des nymphes, tu vois. Et du coup, tu te retrouves dans des grandes guerres fratricides entre un clan, un autre clan, et puis il faut se battre, il y a de la magie. Et au milieu de tout ça, tu as Krishna qui est en mode pépère, en mode tout. Moi, je suis dans le coin, je regarde, oh bah tiens, je vais aider, oh bah non, finalement, je fais rien. C'est un peu. T'as l'impression. C'est vraiment le dieu running guy. Enfin, lui, il est là à côté, c'est le sidekick rigolo. C'est un peu ça. Puis t'as Ganesh qui, de temps en temps, fait des interventions en mode. Oh bah tiens, je vais écrire ça, allez, c'est pas mal, allez. Tu sais, t'as l'impression qu'à un moment donné, t'as Krishna qui va dire à Ganesh, et c'est une bonne situation, ça, scribe. Oh, vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ganesh, c'est vraiment ça, tu sais. Mais je suis contente que t'aies aimé. C'est vrai que c'était une sacrée BD, hein. Tu la lis pas en une seule fois, quoi, parce que... Ah non. Enfin, moi, je me souviens que j'étais perdue des fois au milieu des personnages et tout. Surtout, tu sais, quand tu la lis sur plusieurs jours, ou des fois, il y a un jour où tu le lis pas et que tu reprends. Moi, des fois, j'étais... Mais attends, mais c'est qui ce mec déjà? Et je l'avais déjà dit l'année dernière, je le redis. Heureusement qu'on avait un arbre généalogique et comme ça, je pouvais m'y référer de temps en temps et j'étais pas trop perdue. Mais moi, ouais, je m'en suis pas trop mal tirée, j'arrivais à retenir, peut-être que j'ai un peu plus de mémoire, mais... Ah non, oui. C'est vrai que c'est parce que je suis physionomiste, c'était pas toi. C'est pour exactement. Ça, Mélanie, voilà. Souviens-toi. Moi, je redécouvrais à chaque fois les gens, je t'ai déjà vu, toi. Mais c'est qui ce roux, là, début. Mais effectivement, c'est pas une lecture où il faut faire trop de pauses longues entre deux et lectures, parce que sinon... Et encore, c'est une version simplifiée, hein. Ah oui. Parce que c'est, comment il s'appelle, c'est Jean-Claude Carrière, c'est ça, qui avait tout à fait, repris le Mahabharata, et on avait fait de base une version simplifiée, mais sous forme plus de roman, pas sous forme de BD, mais, et du coup il a adapté en gros son roman en BD avec un illustrateur, mais voilà, je vous le redis, ce que vous pouvez lire, c'est une version simplifiée, et j'ai envie de vous dire, heureusement. Et je recommande par contre à 1000% d'avoir la version BD plutôt que la version roman, parce qu'ils ont des prénoms qui sont très similaires, qui sont très longs, donc déjà que t'as du mal à retenir qui est qui, les prénoms peuvent porter à confusion. Je pense que si tu le lis en version roman, il faut s'accrocher, mais sévère, pour réussir à tenir et à suivre, alors qu'une version illustrée, au moins tu te dis « Ah, ça c'est telle tête, ah c'est machin », tu vois, au moins tu le prends par d'autres caractéristiques, tu te dis « Ah oui, alors là il y a le roux, là il y a le plus jeune, là il y a le vieux, ok, là il y a l'aveugle, d'accord, ça passe », parce que sinon, à chaque fois que je voyais les prénoms, je me disais « Waouh, heureusement que j'ai leur tête ». Mais qui sont ces gens? Qui es-tu? Quel frère es-tu parmi les 150 là? Ouais, non, mais c'est vraiment une BD qu'on vous conseille. Ça permet vraiment en plus de se plonger dans la mythologie hindoue. Et croyez-moi que quand on analyse des films, et bah, c'est quand même bien pratique. Par exemple, quand on a analysé c'est quand même bien pratique de s'y connaître un minimum en mythologie hindoue. Vraiment. Ah bah oui, ça aide. Là, c'est clair que tu... Ah, bim ! Oh, je vois ce que t'as fait là. Oui, oui, j'ai compris. Oh, mais dis donc, Ram, avec ton arc. Donc, et ouais, toi, Mélanie, c'est alors, essentiel. Par quoi as-tu démarré ton été? Alors, je prends mon livre. J'ai commencé avec une bande dessinée d'une autrice française, une illustratrice et dessinatrice qui s'appelle Claire Fauvel, et qui a publié aux éditions Casterman une BD qui s'intitule « Fulane Devi, reine des bandits ». Alors, je ne sais pas si c'est Fulane ou Poulane Devi que ça se prononce. Il me semble qu'on vous a déjà parlé de Fulane Devi dans des précédents épisodes. On l'a vite fait évoqué. Et en gros, ouais, elle a gagné ce surnom de « reine des bandits » parce que c'était une dacoïte et tout ça, qu'elle a tué plein de gens, qu'elle s'est révoltée et tout... Mais, et donc c'est une BD qui va retracer toute sa vie depuis sa naissance, en gros, jusqu'à son passage par la case prison. Et c'était hyper passionnant, vraiment. cette femme a eu une vie atroce, mais c'était passionnant. Alors, c'est une BD vraiment. Je vais mettre des énormes trigger warning, viol, pédophilie, violence, sang. Voilà, ça reste une bande dessinée qui est assez violente puisque la vie de Fulan Devi a été extrêmement violente. Et voilà. Donc c'est Ouais. pas à mettre entre toutes les mains. Non mais c'est bien, tu fais bien de le préciser parce que pour le coup, bah c'est Bah surtout une qu'en plus, BD, donc tu le enfin, vois, je veux oui, dire, il y a ça des se images devant voit. toi. C'est quand Bah tu lis, notamment, c'est tu déjà la pas forcément vois. facile, Ouais. mais en plus là, t'as une version illustrée, donc après ça peut rester imprimé effectivement dans ta mémoire. Tu vois l'illustration de son premier viol quand elle avait 11 ans, qu'elle a été mariée à un homme qui était 3 fois plus âgé qu'elle, quoi. Ça, tu le vois en entier quasiment, et c'est hyper dérangeant, quoi, on va pas se mentir. Mais après, je comprends aussi le choix de l'autrice d'avoir voulu montrer ça comme ça, pour que ce soit fort, pour que ça marque les esprits, justement. Mais vraiment, si c'est des sujets qui sont vraiment sensibles pour vous, ne la lisez pas, cette BD, vraiment. C'est... Voilà. Ouais, il n'y a pas de suggestion et tout. Trigger, En même temps, ce voilà. serait difficile parce qu'effectivement, je connais dans les grandes lignes l'histoire de Fulan Devi. Et effectivement, c'est pas du tout une vie drôle ni facile. Donc, tu peux pas non plus te dire, tiens, je vais faire une BD avec que de la suggestion parce que sinon, je pense que toute la BD est de la suggestion et tu te contenterais de regarder des paysages. Bon, ce serait compliqué. Mais effectivement, on en avait parlé dans l'épisode de Cholet, puisque c'était bah, le thème justement des films de Takoït, etc. Et on avait parlé d'elle, qui est extrêmement célèbre. Et il y a un film, on l'avait déjà dit, qui a été fait Ouais, sur elle, et qu'à en l'occasion, il faudra que l'on fasse. On 94. l'avait déjà dit, mais c'est dans notre to-do list, et on fera un jour Ah bah, le oui. film et un épisode pour parler d'elle quand même. Oui, comme ça, on pourra vraiment entrer un peu plus dans les détails de sa vie. Et alors, il me semble... Attendez, je rouvre ma BD, si je dis pas de bêtises. Il me semble que donc l'illustratrice et autrice, elle explique qu'elle s'est inspirée de l'autobiographie de Fulan Devi. Pour écrire sa BD. Donc, par contre, elle explique que c'est pas Fulan Devi qui a écrit son autobiographie, puisqu'apparemment elle était analphabète, et donc elle a dicté sa vie, apparemment, ouais, sur plus de 400 pages. Elle raconte le mépris et les humiliations, pardon, qu'elle a dû affronter depuis l'enfance et qui l'ont conduite à la révolte. Oui, parce que du coup, précision, pour ceux qui ne connaissent pas Fulan Devi, c'est un personnage, enfin c'est une personne des temps modernes, hein, puisqu'elle est née Elle est en née en 1963. Ouais. 1963. Elle est morte en 2011. Elle a été assassinée. Parce qu'en fait, elle s'est lancée en politique après avoir été arrêtée, après avoir passé 11 ans en prison. Elle est devenue parlementaire, la madame, quand même, hein. Donc En c'est... 2011 ou en 2001? Ah, pardon, en 2001, excusez-moi. Elle s'est fait assassiner en... Voilà. Après avoir été élue députée du Parlement en 1996 et 1999... Fulan Devi, la voix des opprimés, est assassinée en 2001 par un extrémiste Takour en réponse au massacre de Bémaï. Toujours des histoires de ta cour. Mais à chaque fois que je vois le mot Takour, je suis obligée de rigoler. Alors, CF, notre épisode sur Cholet, vous comprendrez Exactement. pourquoi. Mais Du voilà, coup, donc c'est sinon, une BD oui. épaisse ou... Ah ouais, c'est un petit pavé quand même, hein. Fait plus de 200 pages, il fait exactement 218 pages. Donc Ah pareil, oui! c'est pas le genre de BD que tu lis en une seule fois, quoi. Ouais, non, elle est un peu moins épaisse que celle du Mahabharata, mais voilà, plus de 200 pages de BD, donc ça, vous en avez pour votre argent, en gros, si je puis dire. Elle est à 22 euros, voilà. Ah, franchement, ça va, hein, parce que moi j'ai déjà payé des BD qui Ouais. étaient beaucoup plus fines, hein, où tu l'as fini en 1 heure ou 2 heures, pour quasiment le même prix. Donc. Ah non, là, t'as de quoi lire vraiment. Et j'aime bien Vivement le qu'on refasse un style. swap! Oui! De toute façon, oui, obligé, je te le passe. Et j'aime bien le style des dessins de Claire Fauvel. J'aime bien. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de voir quand je lis des BD, mais franchement, j'aime bien. Et j'apprécie d'autant plus le fait que, évidemment, ce soit une femme qui est illustrée, qui est dessinée, qui écrit les dialogues et tout ça. Donc voilà. Non mais c'est chouette. Franchement, c'est hyper cool. Française en plus, tu vois, ça aurait pu être une. Bah ouais. Non, mais ouais, et franchement, ça donne envie. Ouais, je sais que je l'avais déjà. J'avais déjà lorgné dessus de loin à une période en me demandant, tiens, en BD, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, hein, n'hésitez pas. Nous, on est toujours très preneuses. On aime bien un peu aussi avoir d'autres supports que forcément des romans. La preuve en est déjà avec les biographies, hein, c'est un autre genre que je trouve assez passionnant, mais aussi bah voilà, en format BD, c'est ce qu'on avait fait les années d'avant, donc n'hésitez pas à nous dire et vivement que je l'ai entre les mains. Oui, mais encore une fois, je le répète, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Hein. Je pense que de toute façon, il faut pas donner ça non plus à des jeunes ados et tout, je pense qu'ils se... Faut attendre d'avoir 16-17 ans minimum pour lire, pour bien comprendre, parce qu'encore une fois, tu peux être choqué par les images, et vraiment, si vous êtes sensible à tous les sujets que j'ai cités précédemment, ne la lisez surtout pas. Et mais en fait, c'était intéressant, mais c'est tellement horrible en même temps à lire, parce que c'est hyper révoltant, tout ce qu'elle a dû subir à cause des hommes, tous ces viols, toutes ces attaques qu'elle a subies. Elle est devenue la bandit numéro 1 de l'Inde parce que des hommes l'ont opprimée. Elle n'avait pas choisi cette vie-là à la base, quoi. Et c'est ça qui est hyper révoltant. C'est de voir qu'elle a dû devenir une bandit parce qu'elle a voulu se venger de tout ce qu'on lui a fait subir, qu'elle a voulu aussi protéger d'autres femmes. Et elle a été obligée de faire ça à cause des hommes. Ouais. Non, mais je comprends. Ouais, c'est... C'est très intéressant et un jour on fera un épisode ouais, vraiment consacré à elle. D'ailleurs, l'autrice Claire Fauvel, elle a écrit une autre BD qui s'appelle Une saison en Égypte et que j'ai très très envie de me procurer. Mais tu m'étonnes. Qui se passe, je crois, en Égypte au début du 19e siècle. Je crois que c'est un jeune russe qui découvre l'Égypte et tout. Et du coup, j'étais en mode oh, je le veux. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que je peux enchaîner pour casser l'ambiance avec une lecture qui a été nulle? Oh, t'inquiète, parce que j'en ai une aussi qui a été nulle, donc j'enchaînerai après toi. Très bien. Voilà, il y avait trop de « oh, c'est trop bien » et tout, on va casser un peu l'ambiance. Allez. Dans ma pile, du coup, à lire, j'avais pris également, donc au festival de... du livre de Paris, La vie troublée d'un tailleur pour dames, qui est un roman écrit par une autrice qui s'appelle Boulboul Sharma, qui est aux éditions Albin Michel. Et voilà, la couverture était très colorée, ça donnait bien envie, et ça, c'est le genre de titre, tu sais, qui t'intrigue un petit peu, tu dis tiens, ça va peut-être un peu original ou fantasque. Et l'histoire qu'on te vend, c'est que t'as Janak, qui est un tailleur de vêtements. Il vit dans un petit village et en gros sa vie va être bousculée par un tas d'événements. En tout cas, ça c'est ce qu'on nous vend. Donc je m'étais dit tiens, je vais commencer par ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, la quatrième de couverture était un peu étonnante. Si je vous lis voilà, un petit passage du quatrième de couverture, d'un seul coup on te dit tout le monde devient suspect. La coiffeuse chinoise, maîtresse du chef de village, Shankar le pêcheur qui s'est improvisé détective, Lala le patron du salon de thé et son cuisinier ex-tueur à gages. Donc sur le coup tu te dis ah en fait ça va être un petit peu folklore, un peu détonnant ou ouais c'est intriguant. Les personnages ont l'air un peu pas foufou mais ça fait un peu genre univers absurde tu vois. Donc je m'étais dit tiens allez je vais démarrer. Comment vous dire? J'en suis à la page 127, ce qui est déjà quand donc, même pas mal. Pas fini. Quasiment, on va dire. Allez, on va dire un tiers du bouquin. Il ne s'est toujours rien passé. C'est infernal, c'est extrêmement lent. C'est-à-dire que quand on est à 127 pages de descriptif du village, t'en peux plus. Je veux dire, il n'y a que Tolkien qui te fait ça comme effet, normalement. Mais je m'en fous de ton village. On s'en fout de ta comté, ça va. Et ben là, c'est un peu pareil. Donc je démarre, je me dis, ok. Parce que pareil, les titres sont un peu étranges, un peu absurdes. En plus, c'est marrant parce que comme du coup, c'est un tailleur, les titres sont dans des rectangles en pointillés, un peu comme des étiquettes de vêtements, avec des petits ciseaux dessus. Mais en fait, on s'en fout. Enfin, on nous parle de Jeannac, et Jeannac qui nous raconte sa vie, mais tu sais, comme quelqu'un qui te raconte sa vie et dont on n'a rien à faire, genre, là je me suis levée, là j'ai vu des pigeons, ils mangeaient des miettes, j'ai croisé machin, j'ai ouvert mon magasin, et puis le personnage en lui-même est mou, c'est-à-dire que il est dépeint comme, un peu comme Surinder dans Ramener Balade et Jodie. Donc c'est ce mec, tu sais, qui est un peu lambda, qui est un peu ennuyeux, qui est dans sa vie un peu pépère, qui parle pas beaucoup, qui s'exprime pas ou qui se rebelle pas. Et en plus, alors on nous fait genre, il est marié et il a un enfant, et à chaque fois, il est vraiment... T'as l'impression d'être dans... Vous avez vu ma femme ? Elle est belle, hein ? Mais ça, il le fait dans sa... il le fait dans sa tête. Ah, pas le même « r » du coup. J'ai eu un bug. Non, c'est pour ça que j'ai fait un « r » très long. Et du coup, en fait, mais ça, il le fait dans sa tête. Donc, à chaque fois qu'il nous parle de sa femme, c'est en mode « Ah ouais, ma femme, je la trouve belle. Mais bon, on est dans la société indienne. Faut pas le dire. Et il faut pas dire non plus qu'on est amoureux. Parce que ça se fait pas, tu vois. On se marie pas par amour. Donc... on te dit il est trop amoureux de sa femme, mais le truc c'est qu'à chaque fois qu'il dit qu'il est amoureux de sa femme, il est en train de dire qu'il la trouve canon. Donc déjà c'est un bon, ça se pose comme définition de l'amour. Et en plus on est dans un truc un peu cliché, c'est-à-dire que, alors, c'est pour ça que je suis un peu étonnée que ce soit écrit par une autrice, mais bon ma foi le sexisme intégré ça fonctionne aussi. C'est que c'est en mode « Ah, ma femme, elle est trop bien et tout. Bon, par contre, elle est chiante à chaque nouvelle lune. Je comprends pas trop pourquoi. » Bah, mec, si t'as réussi à faire un enfant avec elle, a priori, tu sais pourquoi. Et on est sur un système plutôt de genre, sa femme, c'est un peu une mégère. C'est-à-dire qu'il est un peu en mode « Ah, elle m'engueule, elle est pas gentille avec moi. Vraiment, t'as l'impression qu'elle peut pas le saquer, qu'elle l'a épousé, mais qu'elle l'aime pas. » Et lui, en face, il est un peu en mode... Ah ouais, elle est trop méchante, mais je suis trop sous son charme. C'est... Enfin, tu vois le genre de cliché que c'est ? Tu ouais, vois un peu ouais, genre ouais. D'être mariée à la mégère, mais dans le fond, lui, il l'aime trop, même si elle est... Un peu en bonne mine avec le chef de village de Gaulois, tu vois. Genre, elle est chiante attends, et tout, raconte-t-il. Mais le gars, il est quand même trop in love d'elle. Ah, ok. Ouais, le gars, voilà. Il est en mode, putain, elle est chiante, mais heureusement qu'elle est bonne, quoi. Ouais, c'est pas tout à fait tourné comme ça, mais en gros, ça revient un peu à ça. Et donc, t'attends. Et t'attends désespérément qu'il se passe quelque chose, et il se passe rien. Et ça blablate, et ça blablate. Enfin, c'est même pas que ça blablate, parce que les personnages ne parlent pas tant que ça, en fait. C'est vraiment relativement descriptif. Et tu dis, je m'en fous de ton village, ça fait déjà 100 pages que tu m'as expliqué. Je sais à quoi ressemble ton village, vraiment, j'ai Google Maps dans ma tête, là, c'est Google Earth. J'ai vu, je sais à quoi il ressemble, c'est bon, je sais où puis sont les magasins. Puis on a compris que ta femme, elle était belle. J'en suis aussi à un niveau, s'il y a un personnage dans le bouquin qui dit, elle où la rue machin, je peux te dire où est-ce qu'elle est. C'est bon, passe à autre chose. Et donc, du coup, tu sais, tu lis une première fois, tu fais bon. Pff. Tu lis une deuxième fois, et en fait, au bout d'un moment, ça devient difficile de s'y remettre. Et du coup, là, j'ai totalement stoppé depuis quasiment 2 mois, tu vois. Et donc, j'en suis à ce premier tiers. Et je sais pas comment je vais faire par la suite, parce que j'aime pas ne pas finir. Mais je sais pas, peut-être que je vais sauter des pages, espérer qu'il se passe un truc. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas une bonne lecture. Oh. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est pareil et toutes les deux, on n'aime pas abandonner un livre. Eh ouais, c'est notre... Soit c'est notre côté un peu psychorigide, perfectionniste, il faut compléter les trucs à 100%, soit... Ouais, non, je... Ça m'est déjà arrivé, hein, quand même. Mais bon, je vais tenter, hein. Oui. Alors, on va rester dans la même thématique, parce que, donc, bah, au Salon du Livre de Paris, du coup, j'avais acheté L'Inconnu de Bangalore de Anita Nair. Alors, Anita Nair, vous la connaissez peut-être, puisqu'elle a écrit le célèbre Compartiment pour dames. Ça doit te dire quelque chose aussi. Le titre me dit quelque chose, mais on ne l'a pas lu. On avait dû le voir en librairie toutes les deux à un moment. Il y a des chances, ouais. Ouais. Et donc, je vous lis le synopsis. Bangalore, la Oula. La cosmopolite Silicon Valley indienne s'apprête à célébrer la première nuit du Ramadan et le quartier musulman de Shivaji Nagar brille de mille feux. En même temps, dans une ruelle sordide, un jeune prostitué est attaqué et brûlé vif. Confié à l'inspecteur Borey Gowda, quinquagénaire désabusé, l'affaire ne fait que commencer. Un meurtre similaire est bientôt perpétré et les témoins évoquent la présence sur les lieux d'une femme à la beauté saisissante. Une première piste. Et juste en dessous, il y avait marqué « Après compartiment pour dames et quand viennent les cyclones », la romancière Anita Nair dévoile avec ce suspense une nouvelle facette de son talent. Sur fond de corruption et de magouilles politiques, l'inconnu de Bangalore nous immerge dans les réalités controversées de l'Inde contemporaine. La fresque magistrale d'un pays en pleine mutation, écartelée entre tradition et modernité. Donc moi, je lis ça. Je me dis, allez, go. ça sonne comme un bon thriller, tu vois, dit comme mais ça. Ouais. Et moi, j'aime bien les thrillers. Enfin, les thrillers. Je lis principalement du Agatha Christie, donc bon, c'est pas oui, alors thriller, ça se... Ça se discute hein, sur policier, thriller, voilà. C'est plutôt du roman policier. Hein. Voilà, plutôt du roman policier, mais j'aime bien les enquêtes et tout ça, et voilà. Et donc j'étais en mode, allez, ça va me plaire. En plus, c'est écrit par une autrice. Enfin, de toute façon, mes trois lectures, c'est que des autrices. Donc moi, j'étais contente, tu vois. Et ce fut une catastrophe. Je ne l'ai pas abandonné. J'ai continué jusqu'au bout. Il fait presque 400 pages. Et je l'ai lu pendant que j'étais en vacances, tu vois. Donc moi, quand je lis en vacances, je lis plus, tu vois. Genre dans la journée, je me pose sur la plage, dans le jardin, hop, hop, hop. Et là, j'ai mis, plus d'une semaine à lire, alors que j'aurais dû le dégommer en 3-4 jours. Et j'avais pas envie de m'y remettre à chaque fois, tous les jours. Je me disais, allez, reprends le bouquin et tout, mais j'arrivais pas à avancer tellement je me faisais chier. Vraiment, c'était une catastrophe. Bah comme moi avec le truc de Boule Charme, hein, quoi. Ou quand tu fermes, tu fais « Ah putain, j'ai pas... » Vraiment comme si tu te remettais à des devoirs, tu sais, comme quand t'es à l'école, tu c'est dois faire ton ça. DM et tout, genre « Oh c'est non !» Ou ta lecture des codes, « Oh putain, fais chier son Zola, là !» Alors, vu que je l'ai lu en entier, je vais détailler un peu plus mon propos. Je risque d'être longue parce que ça, j'étais très en colère après avoir terminé ce livre. Parce que c'est, j'ai l'impression qu'à chaque fois, t'as certains livres, quand ils te tentent et que tu les achètes, t'as l'impression qu'ils te font une promesse en mode « on va passer un bon moment, ça va être cool, tu vas voir, tu vas kiffer ». Et au final, bah non. Et moi, à chaque fois que je finis un livre qui m'a pas plu, bah, je suis énervée. Et surtout que, des fois, c'est surtout que déjà tu te sens un peu flouée. Tu te dis, bah, franchement, ok, tu m'as bien berné, et en fait, c'était nul. Mais le pire, c'est qu'en dessous, ça s'appuie sur des critiques, à mon avis, qu'ils doivent payer, hein, c'est pas possible. Ou on te fait genre, ah, trop bien, ah oui, c'est le roman de l'année, et tout. Et toi, tu lis, tu fais, mais tu te fous de ma gueule, c'est pas le roman de l'année, ça, c'est... On t'a payé combien pour dire que c'était chouette ? Mais en plus, il vient de m'arriver la même chose là, avec un autre bouquin qui s'appelait genre L'énigme du Vatican, comment il s'appelait l'auteur, genre Frédéric Tristan, un truc comme ça. Et sur la quatrième de couverture, il y a marqué « On dirait un Umberto Eco à la française et tout ». Moi, j'étais « Vas-y, allez !» Enfin, moi, j'ai kiffé. Enfin, j'ai lu que le roman de la Rose pour l'instant, mais c'était déjà génial et tout. J'étais en mode « Allez !» et tout. Et j'ai lu le truc, j'étais en mode « Mais c'est de la merde !» Le titre fait très Dan Brown, franchement. T'as vraiment l'impression que c'est un nouveau roman de Dan Brown, mais n'est pas Dan Brown qui veut. Exactement. Bref, du coup, L'inconnu de Bangalore, il y avait plein de choses qui n'allaient pas et que je vais vous détailler. Je vais essayer de ne pas spoiler. C'est une thérapie. On le sait qu'on fait des petites thérapies. Moi, c'est genre le premier épisode où on avait fait des lectures, j'avais fait une grosse thérapie parce que j'avais que des lectures nulles. Donc, vas-y, c'est le moment. Libère-toi. Alors déjà, le personnage principal, donc Borey Gowda, je sais pas comment ça se prononce. Bref, le personnage principal, donc l'inspecteur qui a la quarantaine, qui est alcoolique, ça va plus trop avec sa femme, il s'éloigne de son fils, gna gna gna. Tu sais, c'est le personnage du flic désabusé qui a été vu et revu et revu. Et qui galère à résoudre des affaires parce que lui, tu vois, il a une conscience, pas comme toute la police qui est corrompue et du coup, il est éloigné à cause de ça. Et là, il y a une affaire qui pointe le bout de son nez qui pourrait redorer son blason. Et puis, il a un jeune équipier qui est un peu un chien fou, qui est en mode « Oui, la police, c'est super !» et tout, qui va lui redonner un petit peu foi en son métier. Et genre, ce cliché, je le trouve insupportable et il ne devrait plus exister ou alors il devrait être beaucoup mieux amené. L'assassin, c'était nul. Oh, c'est horrible. Vraiment. Ça, quand t'es dans un thriller à fond et que la résolution est pétée. C'est comme dans, comme dans les trucs policiers, tu sais, en fait la résolution elle est nulle, ou c'est un personnage que t'as jamais vu, ou c'est mal amené, tu fais « mais ça c'est nul ». Et j'ai pas compris pourquoi il tuait. J'étais là, Ah, c'est un peu embêtant quand même. Mais monsieur, mais c'est quoi votre mobile ? Je n'ai pas de mobile. Ah. Mais en fait, il l'explique, mais en même temps, j'étais en mode « mais ça n'a pas de sens ». Et non, mais je m'en fous, je suis désolée, je vais spoiler, hein. je suis navrée, je spoil. De toute façon, il est nul. Gros... Ou alors sauter quelques minutes et puis... Voilà. Mais en gros, l'assassin, c'est donc un mec, bah, c'est une espèce de... Ouais, c'est une hijra, mais en fait, une hijra, mais que la nuit, parce que le jour, il est un homme... Mais la nuit, il devient une hijra, et en fait, il a les traits tellement fins qu'on croit vraiment que c'est une femme cis, en fait. Et sa première victime dans le roman, c'est un gars qui l'a reconnu. Et parce qu'il s'est dit « Ah merde, il a compris mon secret, il faut que je le tue. » Moi, j'étais « Bon, ok, admettons. » Sauf qu'en fait, cette première victime, à aucun moment, après, on t'explique dans le roman... Quels étaient leurs liens ? Comment est-ce qu'ils s'étaient connus ? Parce que je me dis, attends, s'il l'a reconnu, c'est-à-dire qu'il le connaît sous son apparence d'homme, donc en pleine journée, mais vu la condition sociale de la victime, comment est-ce qu'ils auraient pu se connaître ? Parce que l'assassin, c'est genre le frère d'un député ultra-puissant, tu vois. Et moi, j'étais, mais comment est-ce qu'ils ont pu se connaître alors ? Ça n'a pas de sens, déjà. Et en fait... Enfin, non, il faut que je raconte. Je suis désolée, mais j'ai besoin d'extérioriser. En fait, on apprend que donc l'assassin, il a entretenu une relation pédophile avec un mec qui avait l'âge d'être son grand-père quand il était petit, et on te dit que il kiffait trop ça. Sauf que quand sa famille elle l'a appris, ils ont pété un câble, ils ont dit ouais, tu revois plus jamais ce vieux schnock. Et lui, ça la vénère de plus jamais revoir son agresseur sexuel. Et après, il l'a revu et tout, sauf qu'à un moment, il avait peur que ça sache, que le vieux y parle. Alors, il a décidé de le tuer. Et j'étais non, mais là, on est sur un roman transphobe et qui valorise la pédophilie. Mais ouais, j'étais là, mais attends, on parle d'un gamin de 6 ans qui kiffait être tripoté par un vieux monsieur. J'étais là, j'étais « Waouh !» Et qui, du coup, a continué à entretenir volontairement une relation avec ce mec, et ensuite, il l'a buté pour pas qu'il parle. J'étais là, j'étais « Mais pourquoi tu l'as tué ? Ça n'a pas de sens !» Et en fait, après, il va continuer à commettre des meurtres. Donc, il commet donc le premier meurtre du roman des années plus tard, en tuant le gars qui l'a reconnu. Et après, il tue d'autres mecs. Et j'ai pas compris, j'ai l'impression qu'il se justifie en disant « Ouais, en fait, je kiffais les tuer, les torturer et tout. » J'étais là, j'étais « Mais... Ouais, mais enfin, non, mais c'est débile. » Et pourquoi il se déguise en femme ? Bah, parce que c'est son kiff, en fait. J'ai l'impression que, en fait, il se sent femme, mais en même temps, en fait, son frère, qui est député, entretient des hijras chez lui parce qu'il dit à un moment « Ouais, les hijras, elles m'ont sauvé la vie, mais je sais plus comment. » Je sais plus pourquoi il dit ça, enfin, des hijras l'ont recueilli à un moment, le grand frère, le député, mais du coup l'assassin, quand il dit à un moment que quand il est avec les hijras, il se sent super mal à l'aise et tout ça, mais sauf qu'en fait, t'apprends plus tard que c'est lui l'assassin et qu'en fait il kiffe se déguiser en femme, tu comprends aussi qu'il traînait tout le temps avec une des hijras de son frère qui le protégeait et tout ça, et j'ai rien compris, j'étais là, mais ça n'a pas de sens. Mais ce roman est à brûler, c'est gênant. Enfin, c'est quand même très gênant d'avoir non seulement un auteur qui valide la pédophilie en mode non, mais en fait, le petit enfant, il aime bien ça, t'as vu, hein, il voulait continuer, il était consentant en plus, ah là là, c'est son kiff. Et que... Alors qu'en plus, c'est même pas... genre, pour essayer de sauver de l'auteur, c'est même pas genre un traumatisme qui le rend... tueur en série, c'est juste que visiblement c'est un truc à part, c'est son kink, et en plus t'as un personnage qui en gros devient trans pour être un tueur en série. Donc genre le tueur en série est trans, mais le personnage classique, lui, est cis. Enfin, il est en homme, quoi. Enfin, il y a vraiment trop, trop de red flag dans ce que tu me dis. Voilà. Après, je l'ai lu il y a plus d'un mois, donc j'ai peut-être des détails qui ont zappé de ma mémoire du pourquoi, du comment. Mais quand je l'ai terminé, j'étais vraiment en mode... J'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris les choix de l'autrice. Je comprends pas les motivations du tueur. Bon, bah, ok, tu... Au fond, j'ai l'impression que le tueur, c'est une hijra, mais qui veut pas s'assumer en plein jour et qui, du coup, fait sa queue la nuit et qui, des fois, se dit « Oh, j'ai envie de tuer des gens !» Et voilà. Et à côté de ça, on a plein de personnages. Le roman, franchement, les trois premiers chapitres, c'est genre un chapitre, un nouveau personnage. Et moi, j'étais là, j'étais « Mais qui sont ces gens ? Attends, pourquoi on a plein de présentations de personnages ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Quel va être leur rôle dans l'histoire ?» Et le truc... c'est que tu as genre 3 ou 4 personnages secondaires qui ne servent à rien, mais vraiment à rien. Et l'autrice s'est dit « Ah, je vais faire un petit background pour tous ces personnages secondaires. » Et j'étais là, j'étais « Mais on s'en fout ! Mais qu'est-ce qu'on s'en tape ?» Et vraiment, elle s'est dit « Je vais faire plein de flashbacks. » Donc chaque personnage va avoir droit à... plusieurs flashbacks, genre, je sais pas, peut-être pas la moitié du bouquin, mais oh, quoique, peut-être un quart, voire la moitié du bouquin, est constitué de flashbacks des personnages pour te dire, ouais, mais tu vois, si lui, il est comme ça, c'est parce qu'il y a eu ça, si elle est comme ça, c'est parce qu'il y a eu ça. Mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit, la plupart de ces flashbacks se rapportent à des personnages secondaires et n'ont rien à voir avec l'intrigue. Genre, à un moment, t'as l'inspecteur qui retrouve un de ses potes d'enfance. Et juste avant qu'il se retrouve, bah, l'autrice, elle s'est dit « Ah, je vais faire un flashback sur ce personnage-là. » Genre en mode « Ah bah ouais, ils sont allés en Australie, ils ont eu un enfant, sa femme est morte, puis il est revenu en Inde pour trouver une maison, voilà, gna gna gna. » Et moi, j'étais « Oui, et donc ?» Parce qu'après, le mec, tu ne le revois plus du roman, quasiment. En fait, elle a cru qu'elle était en train d'écrire un MMORPG et elle s'est dit « Tiens, il faut que j'écrive une histoire à tous mes personnages pour qu'ils aient trop de profondeur. Toi aussi, découvre la quête secondaire pour savoir ce qui s'est passé dans leur vie. Par contre, rien à voir avec la quête principale. » C'est vraiment... Mais c'est exactement ça. Genre, à un moment, elle fait ressurgir du passé de l'inspecteur, son ex avec qui il était au lycée. Et pendant tout le roman, il se tourne autour et tout, gna gna gna, parce que lui, là, il y a des problèmes avec sa femme. Alors, plutôt que de parler, c'est vrai que c'est mieux de flirter avec son ex. Ils finissent par coucher ensemble vers la fin du roman, mais ça ne sert à rien dans l'intrigue principale, tu vois. Ouais, ouais. Mais, et franchement, au bout d'un, à chaque fois qu'il y avait un flashback, j'étais en mode « Mais je m'en fous ! Je m'en fous ! Arrête, fais avancer l'intrigue ! Qu'on en finisse, en fait, meuf ! » La meuf, flashback. La meuf, elle s'est dit « Ah, je veux faire durer le plaisir et tout !» Mais non, non, non, non, non, non, non. C'est l'effet Sardam. Flashback du flashback du flashback. Mais tu rigoles, c'était quasiment ça. Et c'était chiant, vraiment, les personnages sont caricaturaux. Enfin, comme j'ai dit, surtout l'inspecteur. Et tous ces flashbacks sur ces personnages secondaires dont on se branle éperdument, mais... Oh là là, là là là. Bref, peux-tu nous redire le titre de cette œuvre à éviter de toute urgence ? L'inconnu de Bangalore, de Anita Nair. Très bien, bah du coup, soirée à éviter, voilà, méga... Voilà. Mais très déçu, vraiment, tellement déçu. Mais c'est même pas que c'est décevant, c'est que c'est carrément cringe. Mais oui, et attends, j'ai oublié quelque chose. Mon problème, non, c'est pas un problème, c'est que je lis principalement des romans historiques et des livres d'histoire avec un grand H, et donc des romans policiers genre Agatha Christie. Donc je n'ai plus du tout l'habitude de lire des romans qui se passent à notre époque. Et j'ai été parfois choquée du langage employé. Bon, moi je dis des gros mots, c'est vrai, mais là, j'étais « Oh, mais enfin, mais mon Dieu !» genre. C'est comme à force de regarder du Bollywood, tu fais « Mon Dieu, du sexe !» Genre « Ah, baiser, merde, putain, fais chier et tout. » Et moi, j'étais « Mais enfin, mais quel langage !» Mais voilà, il y a un côté un peu vulgaire aussi qui m'a pas forcément plu. Je trouvais que c'était hyper forcé, que c'était pas forcément utile. Mais bah, voilà, en fait, ça dépend puis... de si le dialogue a l'air naturel ou pas, si on t'a fait un personnage qui, de base, est vulgaire, donc tu comprends que c'est sa façon de parler, ou si vraiment elle a gazé ça à droite, à gauche, n'importe quand, et que c'est pas du tout naturel, tu vois. Non, je trouve que ça faisait pas naturel, ouais, que c'était... Ouais, tu sais, c'est comme quand on te fait parler, genre, des enfants qui sont censés être jeunes, mais ils te parlent comme s'ils avaient 80 ans, ou qu'on essaie de te mettre un langage jeunes dans la bouche d'un personnage, bah, justement, qui serait genre un policier daron de 55 ans, tu vois, et qui se mettrait à parler, je sais pas, comme un gars de TikTok, et tu fais, mais tu comprends bien qu'il y a un truc qui est chelou, quand même. C'est trop ça. Mais bref, voilà, du coup, je n'ai pas aimé le style de l'autrice, je n'ai pas aimé l'histoire, je n'ai pas aimé les personnages, je n'ai pas aimé la façon dont elle a construit son histoire. C'est bourré de clichés, j'ai trouvé ça malsain, en fait. Franchement, j'étais gênée quand j'ai terminé le truc, j'étais vraiment en mode « Ah, mais c'est chelou, c'est cringe, en fait !» Ah non, j'ai pas aimé. Donc, tu ne nous partageras pas un petit extrait ? Ça ne mérite pas, tu as raison, on va se... Ça ne mérite pas. On le fera que sur nos lectures bien. Voilà, et le pire en plus, c'est que l'autrice, elle a j'ai l'impression qu'elle a décidé d'en faire une série de ce bouquin. Enfin, avec l'inspecteur, quoi. Parce que quand je regarde sur Wikipédia, il y a la série Inspecteur Goda, donc avec l'inconnu de Bangalore, et elle en a qui date de 2012, et elle en a publié un autre en 2016. J'étais là, oh bah celui-là je le lirai pas. Hein. Ça, c'est sûr, mais. Voilà, mais je pourrais en parler encore pendant des heures tellement non. Ça. Non. Ne parlons pas des choses mauvaises, parlons des choses bien. Ne parlons pas de Bruno. Voilà. Alors. Donc, vraiment, ne le lisez pas. Et moi, là-bas, j'étais intriguée par Compartiment pour dames, mais ça du coup, j'ai même pas envie de le lire. Ok. Voilà, je vais enchaîner maintenant. Voilà, ouais, enchaînons avec des choses bien, très bien même. Mon autre lecture, celle qui est venue ensuite, alors je ne l'ai pas achetée lors du festival des livres de Paris, c'est un cadeau, en fait, que j'ai eu via le système de, je sais pas si vous connaissez, pour ceux qui sont amateurs de lecture, via Cube, qui est un système où tu peux commander des box thématiques, en fait, de lecture, avec parfois des petits goodies et des petits machins, où tu peux offrir en cadeau à quelqu'un le fait d'avoir un livre surprise. Donc moi c'est ce que j'ai eu en fait à mon anniversaire par une copine, et l'idée c'est que tu vas sur le site de Cube et tu dis voilà, moi j'aime bien plutôt ce style-là, telle longueur, en telle langue, voilà ça c'était mes dernières lectures, qu'est-ce que j'aime ou pas, bref, tu donnes un peu des indications mais rien de trop précis non plus, et un bibliothécaire va choisir une lecture qu'il pense pouvoir te plaire pour te faire un peu comme la surprise. Et donc moi, coup de bol, on m'a suggéré un bouquin indien qui s'appelle Témoin de la nuit. Donc en version originale, c'est Witness the Night, qui a été écrit par une autrice. Finalement, j'ai pas mal réussi, je me suis retrouvée quand même avec 3 autrices sur 4 pour mes lectures cet été, c'est plutôt cool. Donc il s'appelle Kishwar Desai. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais bref. Donc Témoin de la nuit, c'est pour le coup effectivement un roman qui est noir et thriller. C'est un peu entre les deux. Et qui est très très bien. Donc l'autrice, elle est à la fois journaliste et romancière. Et chose que l'on devine après à travers son écriture, c'est que donc elle est née en fait au Punjab, et l'intrigue se passe du coup effectivement au Punjab, et elle est la fille en fait d'un policier qui a longtemps été à la tête en fait d'un grand commissariat du Punjab, et donc elle explique hein, qu'elle a été très influencée par l'état d'esprit du Punjab, la corruption, tout ce qui peut s'y passer, notamment dans le milieu de la police, etc. Et c'est un bouquin qui fait vraiment un portrait un peu au vitriol quand même de l'Inde et du Punjab. Ce qui quelque part est très intéressant, parce que tu te dis c'est pas du tout romancé. Elle te fait un roman, mais tu comprends bien que le décor est hyper réaliste. Et d'ailleurs, c'est une autrice qui est très engagée dans la condition des femmes. Donc voilà, elle, tous ses romans, en fait, tournent autour notamment de la condition des femmes. Et ce roman-là a été un énorme best-seller. Voilà, il a remporté notamment le Costa First Novel Awards en 2010, qui est l'un des prix les plus prestigieux qui existent en Angleterre. Voilà, elle a eu pas mal de prix. Qu'est-ce qu'elle a eu d'autre? Ouais, elle a eu la sélection Grand Prix des lectrices du magazine Elle et la sélection Grand Prix en littérature policière. Donc très honnêtement, c'est un excellent bouquin. Je l'ai adoré. Il est pas facile, comme je vous dis, ça fait pas de concession sur l'état actuel de l'Inde, parce que ça se passe à notre époque. Enfin, le livre est un peu vieux, en vérité, il se passe en 2008. Et donc voilà, c'est sans concession, mais c'est hyper intéressant. Déjà, ce qui est très sympathique, c'est que le personnage principal que l'on suit s'appelle donc Simran Singh, et c'est une assistante sociale. Et elle va se retrouver à être convoquée sur une affaire un peu particulière par la police, et notamment par quelqu'un qu'elle connaît qui est dans la police, et donc on fait appel à elle parce que il s'est passé, en fait, il y a eu un massacre dans une famille. T'as eu 13 personnes qui sont mortes, certaines empoisonnées, certaines poignardées, et il n'y a qu'une survivante, c'est une jeune fille de 14 ans qui a été retrouvée blessée et violée. Et donc, ils font appel à Simran, parce qu'en tant qu'assistante sociale, en gros, elle sert un peu, pas de psy, mais c'est un peu, disons, le seul lien qui donne vraiment à cet enfant pour qu'elle puisse avoir quelqu'un à qui parler. Et Simran a pour objectif, c'est de soutirer un max d'infos, en fait, à cette jeune fille. Et Simran est un personnage féminin moderne. C'est-à-dire qu'elle fume, elle boit, elle a des plans cul. Elle travaille, elle n'a pas envie d'être femme au foyer, elle n'a pas envie d'avoir d'enfants, et du coup tu dis « Waouh, merci !» Enfin ! Surtout pour le paysage indien, tu te dis « Yes, oui ! Oh, un personnage moderne, yes, ça fait plaisir !» Et elle est... tu t'y attaches. Vraiment, Simran, je trouve qu'on s'y attache très vite, sa façon d'être, sa façon de parler, ses problèmes, comment elle va vivre l'enquête, comment elle a envie d'aider cette jeune fille. Ce qui est très intéressant dans l'écriture, c'est que finalement, on alterne entre deux points de vue. Il y a pas mal de passages, tous les débuts de chapitres même, où on est du point de vue interne de cette fameuse jeune fille qui est retrouvée. Donc c'est assez intéressant parce que dès le début... C'est pas un spoiler. Hein. Dès le début, on est dans la tête, justement, de cette jeune fille. Et en fait, dès le début, on sent qu'elle fait partie de l'intrigue qui a mené au massacre de sa famille. On le sait. Okay. Et du coup, tu te dis, pourquoi ? Pourquoi elle a participé ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Alors que quand tu es du côté de Simran, du coup, elle est... convaincue que cette jeune fille, elle est victime d'une machination. Et dans le fond, elle est victime d'une machination parce qu'elle a 14 ans. Hein. D'accord, elle est super jeune. Et du coup, d'alterner entre ces deux points de vue, déjà, c'est très bien construit. Ça donne des indices et ça tease sans trop dévoiler de choses. Et vraiment, toute la construction est hyper bien. Vraiment, t'as pas envie de le lâcher. Je l'ai lu extrêmement vite. Ça brasse, bah, du coup, plein de sujets un peu sensibles, hein, je vous ai dit, sans trop en dévoiler, de la société indienne. Et jusqu'à la fin, tu sais pas. Et ça, c'est ce que j'adore dans les thrillers, parce que je suis assez fan des thrillers. Le pire, c'est que assez souvent, je devine assez vite les fins ou les retournements, et ça te gâche tout. Parce que c'est ça que tu veux, justement, tu veux être maintenu en haleine oui, jusqu'à la fin. Oui, tu veux la surprise. Ouais, et quand t'as tendance à deviner, tu fais bah pff, merci quoi. c'est nul. Alors que là, jusqu'au bout, t'es en mode qu'est-ce qui s'est passé et comment ça va se passer? Parce qu'il y a des retournements de situation, il va y avoir des péripéties. Et... Voilà. Donc franchement, j'ai adoré cette lecture. Ah, bah tant mieux. Et un truc marrant sur l'autrice. Alors, chose qui est sûre, c'est que je vais prendre ses autres bouquins. L'année prochaine, je pense que je prendrai. Un de ses autres bouquins, parce qu'elle a aussi, donc après écrit En 2014, Les origines de l'amour. Et en 2013, La mère d'innocence. Et il me semble que l'on retourne avec Simran Singh. Je crois qu'elle a décidé de garder ce même personnage pour à chaque fois être dans une nouvelle intrigue, il me semble. Mais ce qui m'a fait marrer, c'est que le premier bouquin qu'elle a écrit, c'était pas du tout un thriller, c'était plus une biographie romancée qui s'appelle Darling G, The True Love Story of Nargis and Sunil Dutt. Elle a écrit sur Nargis, et je me suis dit, oh ouais. Et du coup, je suis hyper intriguée de ce qu'elle a pu écrire là-dessus, c'est assez marrant, et... Voilà, bref, gros best-seller, et je confirme que j'ai beaucoup aimé, mais encore une fois, ça dépend des styles que vous aimez. Bon, les thrillers, généralement, sont pas complaisants, hein. Généralement, c'est justement des histoires un peu violentes, t'as toujours des histoires de... ça peut être des enfants kidnappés, ou des gens avec des membres en moins, etc. Enfin, moi, en tout cas, dans les thrillers que je lis... Donc, c'est là, sympa ce que tu lis, Julie, dis donc. Mais c'est parce que c'est toujours la gamme des trucs avec les tueurs en série, tatati, tatata. Sans que ça verse dans le trop trash, parce que ça m'est déjà arrivé aussi de tomber sur des trucs que j'ai trouvé affreux parce que c'était juste trash pour trash. Franchement, j'ai tombé sur un auteur des Pays-Bas, je m'étais dit, mais mec, bon, bref. Voilà, donc juste pour vous dire que j'ai trouvé ça excellent et que je vous recommande de lire Témoins de la nuit de Kishwar Desai aux éditions L'Aube. D'accord. Bah écoute, tant mieux si c'était une bonne lecture et du coup, tu me donnes envie de le lire. Oh, je te le piquerai peut-être. T'en as toujours un à moi qui traîne chez toi. Oui, ma Raja, il faut que je le lise aussi. Mais pour l'instant, je suis embarquée dans une aventure avec des pirates, alors voilà. Voilà. Bah écoute, tant mieux si ça te donne envie, parce que c'était vraiment très bon. Ici, je vous lisais un petit passage. Allez. Alors, c'est au tout début, donc il n'y a pas de spoil. Hein. Je suis inquiète. Mon instinct me dit que les preuves sont trop évidentes. Je sais par expérience qu'il faut redéfinir les limites de l'enquête, repousser les murs qui nous bloquent. Travailleuse sociale de métier, mais non salariée, on m'appelle vulgairement la dame qui travaille pour rien. Et un brin psychiatre, j'ai été choquée de trouver cette pauvre orpheline de 14 ans traumatisée. Pendant les 25 années de ma pauvre carrière, je n'ai jamais vu de regard plus triste. En parcourant mes notes, je lis que chaque membre de sa famille a été empoisonné et qu'on a poignardé certaines victimes. Puisqu'on n'a trouvé ni preuve ni empreinte supplémentaire, elle est la principale suspecte et fait l'objet d'une enquête. Voilà. Intriguant tout ça. Voilà. À toi Mélanie, je pense que c'est ta dernière lecture. Ah oui, c'est ma dernière lecture, que j'ai achetée au Salon du Livre de Paris. Évidemment. C'était une mine d'or là-bas. Enfin, non, pas vraiment du coup, à cause de L'inconnu de Bangalore, mais bref. J'ai pris Indienne, Roudali et autres nouvelles de l'autrice Mahasweta Devi, qui était une écrivaine et militante bengali. Donc c'est un petit recueil de... Enfin, petit. Il y a presque 280 pages. Donc c'est un recueil de 6 nouvelles sur la condition des femmes en Inde, de 6 femmes différentes, d'origines différentes, qui ont des problèmes différents mais qui ont beaucoup de différences, mais qui ont quand même un point commun, c'est qu'elles sont opprimées par la société et plus particulièrement par les hommes. Voilà. Alors, vous allez croire qu'on est complètement misandre, du coup, mais non, pas du tout. Non, justement, enfin, je veux dire, c'est un peu le... Ça veut du bien de dire que c'est un peu le réveil aussi dans l'écriture, dans la littérature en Inde, tu vois. Donc, du coup, c'est plutôt un roman féministe. C'est ça, oui. Et en fait, ces 6 femmes, ces 6 nouvelles... Donc, on pour héroïne, à chaque fois, une femme qui va avoir tel ou tel souci, mais qui, à chaque fois, se fait démonter par la société en mode « bah ouais, mais c'est de ta faute, en fait ». Par exemple, vous allez avoir une jeune fille qui est une intouchable, qui va se faire courtiser par le fils d'un brahman. Au début, elle est en mode « non, mon gars, on n'est pas de la même caste, c'est pas possible ». Lui, il est en mode « ah là là, mais je suis red dingue de toi, s'il te plaît, pourquoi tu m'aimes pas aussi, moi je t'aime, gna gna gna ». Et au final, elle finit par tomber amoureuse de lui. Ils mais c'est Ranbir Kapoor. J'y ai pensé. Ils couchent ensemble, elle tombe enceinte, sauf que lui, à ce moment-là, bah, il se barre parce que « Oh là là, mais ma famille, elle n'est pas contente, je vais partir un petit peu le temps qu'il se calme et de réunir de l'argent, je reviens, on se marie, on se casse, on ouvre une boutique ensemble, t'inquiète, meuf, ça va le faire. » Et en gros, bah, le gars ne fait pas ça, puisqu'il revient la queue entre les jambes à son village et il épouse la femme que ses parents lui avaient destinée. Et elle, elle est en mode « Bah, je fais quoi maintenant parce que j'ai pas d'argent, je suis enceinte de toi, donc voilà. Et évidemment, tout le village est en mode « Ah, mais c'est de sa faute, gna gna gna, elle avait qu'à pas le courtiser, truc et bidule et tout, mais franchement, cette fille, gna gna gna. » Donc voilà, en gros, c'est que des thématiques dans ce genre-là. Et en fait, au bout d'un moment, bah, cette pauvre jeune fille, elle est obligée de se prostituer pour subvenir à ses besoins, parce qu'elle n'a pas le choix. Et au final, quand son ex revient, il est en mode « Ouais, je veux pas que mon fils soit élevé par une pute et tout, bah, t'as qu'à devenir prostituée ailleurs. » Et donc, elle est obligée de partir de son village. Voilà. Ça fait rêver, dis donc. Voilà. Et donc, c'est que des petites nouvelles dans ce genre-là, en fait. Mais à chaque fois, c'est des personnages féminins hyper forts qui font vraiment tout ce qu'elles peuvent pour s'en sortir, mais qui en chient, quoi. Mais il y a une des nouvelles où la meuf, elle a une telle force de caractère qu'elle est en mode « J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez, je vais faire ce que je veux. » Et toc. Mais et du coup, c'est pas trop déprimant comme lecture. Parce que là, la première histoire que tu nous racontes, elle est super déprimante. Hein. Donc ouais, tu te dis que si toutes les nouvelles, elles sont comme ça, à la fin, à chaque nouvelle, faut que tu te regardes un petit Disney pour remonter la pente. Ou... Il y a un petit côté un petit peu déprimant, effectivement. Hein. C'est pas ultra joyeux, mais d'un autre côté, c'est pas non plus du misérabilisme où les femmes, elles sont en mode « Oh, ouin, ouin, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est terrible et tout. » C'est que des femmes qui, au bout d'un moment, bah, se retroussent les manches et font ce qu'elles peuvent pour survivre ou faire survivre leur famille. Et ouais, comme je t'ai dit, c'est que des caractères féminins hyper forts qui sont en mode « Non, mais je vais pas me laisser faire, en fait, tu vois. » C'est pas... L'autrice, elle a pas écrit ça pour qu'on pleure sur le sort de ces femmes. C'est juste pour dire « Eh, elles en chient. Les mecs, ils ont pas été cool avec elles. Mais t'as vu comment elles sont badass ?» Et toc. Donc l'idée, c'est de toujours dresser en fait un portrait réaliste et actuel en fait de la condition des femmes en Inde, et ça pourrait totalement inspirer le cinéma d'Anushka Sharma et d'Epika Padukone, quoi. Tellement. Oh, t'as bien résumé la chose, bravo. Merci. Mais non, mais c'est marrant parce que en fait. Alors, biographie mise à part, je me rends compte qu'on a fait un été très porté, finalement, déjà par des autrices, ce qui est pas volontaire, oui, mais qui fait plaisir, et également très porté sur un portrait réaliste, en fait, de l'Inde, et notamment de la condition féminine. Exactement. De comment ça pourrait évoluer. Non, mais c'est marrant, en fait, c'était pas voulu. Nous, on avait juste pris nos bouquins, comme ça, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, et finalement, on a eu un été, voilà, engagé. Mais ouais. Et après, le roman, donc le recueil qui s'appelle Indienne, il se passe à différentes époques, à un moment, enfin, t'as, je crois, la première nouvelle, ça doit être dans les années 40-50, après, t'avances dans le temps, 60, 70, 80, ce genre de choses. Et en fait, il y avait des fois des petits refs au cinéma indien. Je crois que je t'avais envoyé à un moment une photo où t'as un mec qui essaye de draguer une meuf et il lui dit « Hey, tu ressembles à Emma Malini !» Et du coup, j'avais envoyé une photo de ce passage-là à Julie en lui disant « Hey, j'ai la référence !» Non, mais du coup, c'est voilà. Génial parce que ça permet aussi, nous... Enfin, ce genre de nouvelles s'adresse aussi, du coup, l'évolution ou finalement la non-évolution de la condition des femmes en Inde sur plusieurs décennies, ce que nous, on voit aussi finalement à travers les films quand on fait nos épisodes, et ça y est, on a fait toutes les décennies du cinéma Bollywood. Et du coup, c'est intéressant aussi de voir ce qui a changé ou ce qui ne change pas, ou de voir que c'est une évolution qui est extrêmement lente et puis qui d'un seul coup est partie en exponentielle sur ces dernières années. Ça aussi, c'est plutôt intéressant. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que c'est quand même d'un autre côté effrayant, tu vois, quand je lis les nouvelles, de me dire que ça pourrait très bien se passer à notre époque aussi, quoi. C'est à la ouais, c'est à la fois ancien et très actuel. Ah mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas C'est... bougé en Non, l'espace ça bouge de pas. 30, 40 ou 50 ans. Ben non, et c'est bien triste. Ah bah oui, c'est sûr. On va Voilà. pas dire le contraire. Mais quand on dit que ça n'a pas bougé, c'est pas propre à l'Inde hein, non plus, hein, c'est propre même au monde entier pour certaines situations. Ah, pour certains endroits, ça régresse. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ok, très bien. Mais voilà, donc franchement, c'est un petit recueil de nouvelles que je peux vous conseiller. Hein. Ça se lit quand même assez vite. Je trouve que les nouvelles sont assez prenantes. Alors, il y a juste un truc, c'est que des fois dans les nouvelles, il y a beaucoup de personnages qui ont tous des noms très différents des uns des autres. Et du coup, des fois, j'étais perdue. J'étais en mode, mais t'es qui toi déjà? Ah bah voilà, il n'y avait pas d'arbre généalogique pour Non. Mélanie, là, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de map avec les noms pour rappeler qui fait quoi. Et du coup, vu que les prénoms bah, sont pas genrés, enfin, à mes yeux, ne sont pas genrés, du coup, j'étais. T'es un homme ou t'es une femme, toi? Que je me situe un peu. Ok. Mais voilà! Franchement, lisez ça. En plus, ouais, ma Sweta Devi, elle s'est énormément battue. Tout au long de sa vie, justement, contre les discriminations qui étaient faites à l'égard des populations tribales en Inde. Enfin, d'ailleurs, quand tu lis le recueil de nouvelles, bah, elle en parle justement de certaines de ces populations qui sont vraiment mises à l'écart, dont le gouvernement ne s'est pas toujours occupé, parce que c'est vraiment en mode, oh, allez, c'est les bouseux qui sont pas perdus au fin fond de la jungle, là, hop, on s'en branle, quoi. Et elle essaie vraiment de dénoncer ça aussi à travers ces nouvelles, quoi. Très bien. Du coup, Mélanie, toi qui as fait déjà le tour de tes lectures, si tu devais faire un classement, lequel tu recommanderais en tout premier? J'ai pas fait de j'ai pas lu d'extrait de Indienne, mais du coup, enfin, Ah bah on va vas-y, dire je que t'en prie, lis-nous un celui petit que j'ai extrait. lu, non, mais celui que j'ai lu en intro, ça peut compter, mais j'aimerais bien en refaire un autre, justement, bah, le petit passage avec Emma Maligny. Eh ben je t'en prie. Marie se dit qu'en réponse au regard du négociant, elle avait révélé à tout le monde la vraie nature du personnage. Mais Tassildar Singh ne l'oubliait pas. Quelques jours plus tard, alors que Marie rentrait à la maison, conduisant les autres bestiaux à cheval sur un buffle, Tassildar s'approcha d'elle et lui dit: Quelle beauté! Tu ressembles à Emma Malini. Quoi? Tu ressembles à Emma Malini. Et toi, tu ressembles à un âne. Comme enhardie par cette remarque, Tassildar se rapprocha. Marie n'arrêta pas le buffle. Tout en continuant, elle sortit sa machette bien aiguisée et dit d'une voix nonchalante: Des négociants comme toi, avec des pantalons serrés et des lunettes noires, on en trouve 13 à la douzaine dans les rues de Tori. Et à ceux-là, je leur montre ma machette. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à aller leur demander. Et tac! Papa po! Bim! Elle a un petit côté quand même de. Mais je sais plus c'est quoi son perso dans Cholet. Bah Emma Maligny justement. Bah oui, c'est pour ça, je trouve qu'on dirait vraiment. Dans ma Ouais, tête, j'ai vu Basanti. Emma Maligny sur Ouais. sa charrette qui envoie chier bah, le harceleur qui est avec Amitabh, qui est Dharmendra. Je sais plus le nom de son personnage également, mais qui est là qui me dit, Ah, salut poupée, ça va et tout. Non, non. Vraiment, j'ai revu la scène dans ma tête. On dirait vraiment la scène de Cholet. Non, mais c'est un petit peu ça. Et je crois d'ailleurs que cette nouvelle-là, c'était ma préférée du recueil. Donc bah, la petite phrase que je vous ai lue en intro, c'est le dernier paragraphe de cette nouvelle. Où, oh, tant pis, je vous spoil parce qu'en fait, je l'ai trouvée extraordinaire. En fait, on apprend donc que notre personnage principal, Marie, se dit, bon, ce harceleur-là, il va pas me lâcher. Donc en gros, ça va mal se finir pour lui. Elle va lui dire: Non mais t'inquiète, ouais, il n'y a pas de souci, j'ai envie de coucher avec toi. Elle va l'attirer à l'écart dans une espèce de grotte assez profonde. Et elle va le chauffer, elle va le faire boire. Et elle va tout simplement le buter, cacher son corps. Et après, elle va revenir faire la fête avec ses potes. Alors précise peut-être pourquoi tu trouves la dernière phrase profonde, parce que là, ça fait juste vraiment genre « j'aime bien tuer les harceleurs », quoi. Parce que là, tu viens vraiment de nous faire genre « ah ouais, dans le truc d'avant, on n'aime pas les tueurs, mais alors dans celle-là, ouais, une femme qui tue un homme, ça passe, bravo, ah c'est ça les féministes de 2022, bravo !» J'avoue, désolée, parce qu'en fait, il faut aussi que je remette les choses dans leur contexte. Le soir où elle le tue, c'est le soir où il y a une grande fête dans le village et où, en gros, c'est les femmes qui prennent la place des hommes et c'est elles qui vont chasser le gibier, qui partent en chasse. Donc, enfin, littéralement du gibier, hein, des animaux. Et donc, le fait qu'elle dise à la fin « elle n'éprouve aucune crainte des animaux. Cette peur ancestrale coutumière des animaux sauvages a disparu depuis qu'aujourd'hui elle a tué le plus gros de tous. » En gros, ça veut vraiment dire... Elle a tué le plus grand prédateur pour les femmes, c'est-à-dire l'homme, et elle le rabaisse vraiment au rang d'un animal sauvage qui obéit à ses instincts, qui s'en fiche un petit peu de ce que peut penser sa proie, qui veut quand même y aller coûte que coûte. Et j'ai trouvé que c'était assez fort comme comparaison. Oui, qu'elle en arrive à un point où être toute seule la nuit dans la jungle avec genre des tigres et compagnie lui fait moins peur que d'être coincée dans le noir avec ce gars qui la harcèle constamment, qui la poursuit, qui la pourchasse. Ce qu'on voit totalement dans les films Bollywood et qui est montré comme un truc trop romantique alors que c'est juste cringe. Au possible, si vous l'avez déjà vécu, j'en ai déjà vécu, et je peux vous assurer que c'est pas romantique du tout, et tu finis pas du tout dans les bras de la personne qui te pourchasse jusqu'en bas de chez toi, pas du tout, jamais. Voilà, donc... Je comprends, en fait, que cette dernière phrase soit particulièrement puissante et bien tournée. Ouais, la comparaison est bien faite, je trouve, et c'est assez marquant. Et une dernière chose sur ce petit recueil de nouvelles, ce qui est très bien, c'est qu'on a également un glossaire à la fin. Donc c'est bien, on apprend des nouveaux mots en bengali. Ah oui, j'aime bien ça aussi. Moi, les bouquins que j'ai eus aussi, à chaque fois, ils prennent la peine quand même de mettre pour le public français ou francophone, de mettre un petit glossaire à la fin et ils conservent des mots d'hindi dans les écrits au moment de la traduction, et ça c'est assez chouette. Ah bah il y en avait un aussi dans L'Inconnu de Bangalore. Bah c'est le seul point positif de ce bouquin. Il y avait un glossaire, j'ai amélioré mon vocabulaire. C'est bien, ils ont fait un effort. Et ouais, du coup le recueil de nouvelles indiennes, c'est aux éditions Babel. Ok. Voilà. Il était bon... à 8 euros. Ouais. Alors du coup, donne-nous ton petit classement, que je puisse enchaîner avec ma dernière lecture et éviter de faire un épisode de 3 fois trop long pour des livres. Ah oui, c'est vrai, t'as encore une lecture. Alors, en troisième position, je mets L'Inconnu de Bangalore. Oh. Non mais lui, tu mets carrément un nom, c'est nom. C'est un nom. Je pense qu'en deuxième position, je vais mettre le recueil de nouvelles et en premier, je vais mettre la BD sur Fulane Devi. Très bien. J'enchaîne donc avec ma dernière lecture, qui a également été ma dernière lecture de l'été, qui s'appelle « Pour quelques milliards et une roupie ». En version originale, il s'appelle « The Accidental Apprentice », qui est sorti en 2014, qui vient des éditions que Mélanie adore, qui sont 10-18. Ah oui ! Parce que généralement, ils ont des couvertures très sympas. Elles sont super couvertures. Et qui est écrit, alors c'est mon seul auteur masculin de la sélection, il s'appelle Vikas Swarup. Et si le nom vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce que c'est l'auteur des fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devint milliardaire, autrement dit Slumdog Millionaire, qui a donc été adapté au cinéma par Danny Boyle avec Dev Patel. Donc voilà, c'était le titre du coup en version française, puisque la version... Yannick Kapoor aussi dedans. Tout à fait. Et il y a aussi Irfan Khan. Ah oui, c'est vrai. Oh. Voilà, puisque la version originale à la base, c'est Q&A hein, pour Question and Answer, qui veut gagner des millions en France. Donc voilà, donc c'est cet auteur-là, d'ailleurs c'est indiqué sur la couverture, hein, par l'auteur de Slumdog Millionaire. C'est vrai que le gars a eu un succès dingue quand son bouquin et notamment l'adaptation sont sortis, puisque c'était d'ailleurs son tout premier roman. Et derrière, il en a fait deux autres. Donc le deuxième s'appelle Meurtre dans un jardin indien. En VO, c'est Six Suspects. On l'avait pas vu celui-là, non ? aussi en librairie, le titre me dit quelque chose. Il y a des chances, oui. Qui est sorti en 2008. Et le troisième, c'est donc celui-ci, pour quelques milliards et une roupie, qui a été mais immédiatement traduit en français dès qu'il est paru, tellement j'ai l'impression que les éditeurs ont adoré. Et c'est amplement mérité. C'est également une très bonne lecture. Encore une fois, notre personnage principal est une femme, et ça aussi, on dirait qu'on insiste, mais vraiment, quand on regarde un peu la littérature, c'est vraiment difficile d'avoir déjà des autrices, notamment indiennes, mais d'avoir des personnages principaux, notamment en Inde, qui sont des femmes, et qui sont des femmes bien écrites. Vraiment, ça fait beaucoup de critères, c'est pas forcément évident. Et là, c'est pareil, on est avec une femme qui s'appelle Sapna Sinha, et j'ai trouvé l'écriture du personnage très bonne. Donc, c'est un roman qui... Alors, je crois qu'ils l'ont mis dans la catégorie des thrillers, mais c'est pas vraiment un thriller, moi je trouve pas. Je saurais pas trop dire dans quelle catégorie le mettre, parce qu'il jongle un peu entre plusieurs genres. Okay. Donc l'histoire, c'est que on a Sapna Sinha, elle vit avec sa mère et sa sœur. On va un petit peu apprendre ce que c'est sa vie. Alors elle avait un père, mais il est mort. Elle avait une plus jeune sœur qui, elle, s'est suicidée. Elle est la seule, du coup, qui ramène de l'argent à la maison. Elle a une mère qui est plutôt... on va dire un peu religieuse et renfermée sur elle-même, et une sœur qui est un peu, en cliché, je vous dis ça, un peu l'instagrammeuse, quoi. C'est-à-dire qu'elle, c'est la jeune indienne qui a envie de passer à la télé, qui veut faire des télécrochets de chansons, qui veut être fashion, qui veut être... Ah, mais c'est Jacqueline dans Bout de Police, quoi. Ouais. Oui, mais elle est jeune, elle a 18 ou 19 ans, non, 20 ans, je crois. Elle a 20 ans et okay. Sapna, elle en a 25. Et Sapna, bah, elle, c'est pareil, elle avait des rêves et tout, mais comme du coup, il faut qu'elle soit celle qui ramène l'argent à la maison, elle a un job de merde de vendeuse dans un magasin genre d'arty. Et donc, elle est là et elle vit sa vie, un peu monotone, pas très intéressante, avec des gens pas très intéressants. Et un jour, elle passe au temple pour faire une petite prière, comme elle a l'habitude de faire, et il y a un monsieur très charismatique, avec des cheveux blancs, qui vient la voir. Imaginez Amitabh Bachchan. Moi, dans ma tête, c'était Amitabh Bachchan. Qui vient la voir, et qui lui dit, en gros, « Coucou, alors moi, je suis milliardaire, voilà, je suis PDG de la plus grosse boîte indienne. » J'ai besoin d'une héritière parce que j'ai plus d'enfants. Je trouve que personne dans ma compagnie mérite d'avoir cette place. Je veux donner la chance à quelqu'un dont je sens le feeling. Je veux que ce soit vous. Alors évidemment, un peu comme tout le monde, au début, elle le regarde, elle lui fait « Lol, allez, salut !» Elle lui dit « Non, mais vous me prenez pour un pigeon, en fait. » Ouais, genre le sugar daddy... Non, il ne demande pas du tout d'être sa maîtresse ou quoi que ce soit. Enfin, au début, elle se dit... Ouais, mais c'est juste qu'en vrai, quand tu vois un mec comme ça, tu dis, ok, il me propose d'hériter, il y a forcément un truc chelou derrière, quoi. Il veut évidemment, quoi, au début, elle pense que c'est une arnaque. C'est un échange. Bah, donc, elle va mener des recherches, etc. Il va l'inviter dans la boîte et elle va se dire, ah non, c'est vraiment le milliardaire du coin qui est en manque d'idées. Donc, au début, bon, elle discute avec lui. Là, tout là, c'est le début, hein. Il n'y a pas de spoil, rien. Il lui dit, écoutez, voilà, moi, je cherche quelqu'un. En fait, ce que j'aime bien, c'est que Sapna est un personnage crédible. C'est pas comme dans ces films où, en deux secondes, on te dit oui. Au début, elle se dit, c'est un arnaqueur, c'est un mytho, il est ma boule, il veut faire de moi sa maîtresse. Et elle lui pose des questions qui sont sensées, en fait. Elle lui fait, mais attendez, mais... Genre, il n'y a personne dans votre boîte qui peut prendre la relève. Genre, vous n'avez pas un second. Genre, vous n'avez pas des enfants. Enfin, tu vois, elle se laisse pas... au début, elle dit, non, mais en fait, n'importe quoi. Surtout qu'il va lui proposer un marché un peu étrange. Il lui dit, écoutez, voilà, pour hériter de ma boîte, je veux que vous signiez un contrat. Là, on était passé en mode Christian Grey. Oh, mais non. En fait, un contrat qui n'a pas un milliard de lignes. Hein, c'est genre... en fait, il lui dit... Vous pourrez accéder à ce poste de PDG, récupérer donc une fortune, si vous réussissez cette épreuve. Et tu fais, et c'est quoi ce que c'est que ça? Et là, tu fais, quoi? Là, au début, je me suis dit, tiens, on bascule dans un truc un peu à la Hunger Games, un peu tous ces trucs de survival, tu sais, labyrinthe, battle royale, de comment de réussir des épreuves, quoi. C'est Squid Game, là, non? Ouais, j'avoue. C'est vrai, j'y ai pensé aussi. Et Guy, voilà, je vous dis pas ce que c'est. En plus, il est un peu mystérieux, il fait « Ouais, c'est des épreuves de la vie et tout, nanana. » L'autre en face, ça fait quoi? Et en gros, il lui dit « Au moins, si vous acceptez, vous signez le contrat, vous acceptez de passer les épreuves, vous pourrez toucher 100 000 roupies. Et si vous échouez, bah vous échouez, salut, ciao, c'est fini, on se revoit plus. Et sinon, vous continuerez, et si vous réussissez les 7, vous deviendrez le PDG. » Et ça, non, mais au début, il fait « Ouh là là, ça pue, c'est louche, même pas en rêve, moi j'y vais pas, allez, ciao !» Le truc, c'est que Sapna, il va lui réveiller des petites bricoles, et du coup, elle va se retrouver en manque d'argent. Et donc, au bout d'un moment, elle se dit « Bon, allez, vas-y, je signe, comme ça j'ai les 100 000 roupies, je fais exprès de foirer la première épreuve, on me revoit plus, au moins j'ai mon pognon. » Évidemment, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mmh. Et donc au début, c'était un peu perturbant parce qu'on va suivre les fameuses 7 épreuves. Mais les 7 épreuves ne sont pas du tout dans un style à la Squid Game ou à la Saw ou voilà. Il n'y a pas du tout. Personne ne meurt. Il n'y a pas de gens qui meurent. Il n'y a pas d'épreuves étranges ou tortueuses. En fait, ce qui est assez perturbant au départ, donc ça spoil un peu, mais c'est que finalement, en fait, ces épreuves, ce ne sont pas des épreuves, ce sont des événements, une succession d'événements. Et chaque, entre guillemets, du coup, épreuve vient, en fait, parler d'une thématique propre à l'Inde. Là-dessus, on retrouve un peu ce qu'on avait avec le témoin de la nuit. C'est que, voilà, l'idée, c'est de parcourir cette thématique de la société indienne. Alors, pour vous donner une idée, parce que la première épreuve arrive assez vite, par exemple, ce qu'on appelle la première épreuve, avec beaucoup de guillemets, ça va être de parler des mariages arrangés, et du pouvoir de ces conseils masculins, tu sais, dans les villages reculés. Okay. On en a déjà vu dans les films. Je pense par exemple à... c'est dans Toilette Ek Prem Kata qu'on a ça. Tu sais, ce conseil de village qui décide, c'est comme ci, c'est comme ça. Les femmes vont pipi à l'extérieur la nuit et puis c'est tout. Bref, en gros, c'est des vieux à barbe blanche qui décident que c'est eux qui décident comment ça se passe dans le village. Peu importe si les règles sont illégales ou pas. Pardon, mais c'est juste le terme de barbe blanche, ça me fait rire. Non, moi, j'imagine une espèce de Gandalf, maintenant. Donc, toute cette première épreuve, en fait, s'articule autour de cet événement. Il va arriver des tas de trucs à Sapna, elle va découvrir ça, elle va intervenir, tatati. Et en fait, à chaque fois que se termine, en gros, un nouvel arc dans la vie de Sapna, en fait, t'as le PDG qui est en mode « Ah, bravo En gros, c'était une épreuve de la vie, c'est génial et tout. » Alors, du coup, au début, c'est un peu perturbant parce que tu te dis, est-ce que le début est juste là pour faire un peu clickbait, un peu en mode, ah, on te donne trop envie de comprendre c'est quoi ses intentions, il va y avoir des épreuves difficiles, va falloir faire des choix cruciaux, etc. Alors qu'en fait, c'est pas ça la suite. Au début, je me suis un peu dit, on m'a arnaqué. Je me suis dit, on m'a arnaqué, mais quand même, l'écriture fait que t'as juste trop envie de savoir ce qui se passe. Parce que les thématiques sont hyper intéressantes, elles sont très variées. Et puis t'en apprends plus sur Sapna, etc. en même temps, en parallèle. C'est très intéressant. Mais au début, je me suis dit, on m'a arnaqué sur le truc. Et puis, au bout d'un moment, il y a un twist. Ça bascule, et là, effectivement, je comprends pourquoi c'est rangé dans la catégorie thriller. D'un seul coup, ça part sur autre chose. Et ça continue de devenir... Enfin, du coup, c'est intéressant d'une autre manière, et ça continue de te captiver, et te dire, mais attends, je comprends pas, il se passe des trucs. Et moi, qui d'habitude a tendance à deviner ce qui se passe, là, vraiment, j'ai jamais rien vu venir. J'étais là, genre, what, attends, mais qu'est-ce qui se passe, et pourquoi, wait, attends, mais... Et donc, du coup, je l'ai avalé à une vitesse grand V, et je l'ai terminé en me disant, ah ouais, franchement, très bon bouquin également. Donc voilà, c'est une version moins sombre, on va dire, et moins au vitriol que Le Témoin de la Nuit, qui qui lui était plus vraiment dans le thriller, pour parler de l'Inde. Là, on est sur un truc un peu plus soft, on va dire, mais qui également balaye beaucoup de thématiques de la société, avec voilà, vraiment des personnages, parce qu'on va croiser quand même pas mal de personnages, leur vie, etc., mais ils sont tous hyper intéressants, ils ont tous l'air... Enfin, ils font tous réalistes. Toi, t'as sa jeune sœur qui est un peu, entre guillemets, superficielle. Bah, tu te dis, j'ai déjà croisé quelqu'un comme ça, tu vois. C'est pas... Je sais pas, je pense qu'il s'est inspiré de gens qu'il connaît pour ses personnages, parce qu'ils font réalistes, les dialogues sont naturels, tu y crois, quoi. Ça sent pas le personnage monté de toutes pièces, qui serait cliché ou caricatural. Et ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et je vous recommande, voilà. Et donc c'est pareil, je pense que je vais aller acheter un autre de ces bouquins pour l'été prochain. Donc ouais, cet été m'a permis de me dire, toi, je vais lire ton autre bouquin l'année prochaine. Donc là, je pense que mon programme de l'année prochaine, c'est un autre bouquin de Kishwar Desai, un autre bouquin de Vikas Swarup et un autre bouquin de Javier Moreau. Je crois que ça va être ça. Bah écoute, c'est bien. On a un an de visibilité. Bah ouais, parfait. Mon programme est prêt pour l'année prochaine. Mais moi, j'avais acheté deux romans indiens, c'était quand ? Genre en décembre, que j'avais trouvé en brocante. Et je m'étais dit, ah bah c'est bon, j'ai mes livres pour l'été et tout. Puis du coup, je les ai pas lus, puisque j'avais trouvé les autres à la foire aux livres de Paris. Donc du coup, peut-être que je les garderai pour l'année prochaine. Mais je suis sûre que je suis capable d'en trouver d'autres qui m'intéresseront plus. Donc moi, mon programme n'est pas encore fait. Ah non, mais c'est sûr. Moi, j'en ai encore d'autres là qui m'attendent, qui étaient censés être pour cet été. Ah oui, et c'est au final, avec le festival... Oui, avec le festival, ma PAL, elle a changé. voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Bah écoutez, si vous voulez, il y a un commentaire des Échos qui dit « Jubilatoire, avec ce compte des 1001 roupies... » Oh, c'est nul ce jour de phrase. Avec ce compte des 1001 roupies, Vikas Swarup creuse un peu plus la veine du feuilleton populaire bollywoodien pour brosser à très vif et coloré un portrait ultra caustique de l'Inde. Cette critique est très nulle. Ça fait vraiment genre « Allez, vas-y, je vais caser des mots que je colle. » en connaissant pas trop bien l'univers. Parce que, oser dire, feuilleton populaire bollywoodien, ça n'a rien de Bollywood. Hein. Quoi ? Il y a vraiment... Mais, c'est oh, pas Julie, du tout un univers Bollywood, c'est l'Inde. Bollywood, c'est l'Inde. Oh okay. Là là, ça me tue. C'est pour ça que notre podcast, il existe aussi. Pour casser ça. Fatigue. Mais puisqu'on parle de Bollywood quand même, je tiens à vous lire un passage qui m'a beaucoup plu. Parce que l'auteur balance un petit peu dans la gueule de Bollywood gratos en plein milieu. J'avoue que quand tu me l'as envoyé, ça m'a bien fait rire aussi. J'étais acheté. Non, mais. Vas-y. Il y a tout un. Ouais, l'auteur m'a beaucoup fait rire parce que. À un moment donné, d'ailleurs, il se cite. Genre, t'as un des personnages qui dit à Sapna, tu lui fais au fait, t'as déjà regardé Slumdog Millionaire ? C'est le mec qui se fait plaisir. Il parle de sa propre œuvre, tu sais. T'as trouvé ça bien et tout. Je fais ça va, tranquille. L'autopromo en plein milieu. Mais bon, non, mais c'est très bien écrit aussi. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, petit passage. Si ça vous évoque des personnages, enfin des personnes connues, c'est normal. Priya Kapoor en est le parfait exemple. Née Priyanka, elle a raccourci son prénom sur les conseils d'un astrologue à la sortie de son premier film qui a fait un carton. Puis, de Kapoor, elle est devenue Kapoor, avec un C. Et enfin, sur les instances de sa numérologue, elle a rajouté un R à son nom afin qu'en le prononçant, on ronronne comme un chat. Kapoor. Ce n'est pas tout. À en croire les bruits qui courent dans les studios, elle a subi plus d'opérations esthétiques que Pamela Anderson. Lèvres repulpées au collagène, augmentation mammaire et nez refait. Résultat, elle ressemble à une Barbie grandeur nature et fait plus vieille que ses 26 ans. Ce qui ne l'a pas empêchée de tourner dans 3 blockbusters d'affilée, si bien qu'elle figure aujourd'hui parmi les 4 plus grandes stars de Bollywood. Toute ressemblance avec Priyanka Chopra serait totalement volontaire, je pense. Moi, ce qui me fait rire, Priyanka c'est et à mon avis la famille encore. Kapoor aussi. À mon avis, ils ont pris gratos. Oui. Kapoor. Voilà. Donc du coup, en conclusion, hormis le bouquin que j'ai pas fini et qu'on verra ce que ça donne, très bonne sélection pour cet été, je suis très très très contente. Et je saurais pas vous dire dans quel ordre je range tout ça. Je pense qu'en premier, je mettrais quand même Témoin de la nuit, suivi de Pour quelques milliards et une roupie. Et enfin, la biographie romancée, Les derniers Maharaja d'Indore, sachant que je les ai vraiment tous beaucoup, beaucoup aimés. Donc, voilà, c'est des valeurs sûres. Franchement, n'hésitez pas. Mais moi, je suis un peu embêtée, Julie, parce que tu m'as donné envie de les lire. Ah ! Et que j'ai déjà beaucoup trop de livres à lire. Donc, mais je suis contente. Mais moi, ça m'arrange pas, en fait. Ok, t'as vu la taille de ma pile à lire ? Ça va plus. Et encore, je suis très raisonnable en ce moment. Mais c'est... ouais. Genre, ouais. J'ai fait plusieurs brocantes cet été, j'en ai pas acheté. Enfin, wow. Si j'en ai pris deux, mais c'était dans une brocante qui bouge pas. Enfin, c'est une dame qui est brocanteuse de métier. J'en ai acheté que deux. Mais bref, sinon j'ai fait plein d'autres brocantes là, éphémères. J'en ai pas acheté un seul. Et pourtant j'étais tentée. Et là, toi, t'arrives en disant oui, j'ai lu ça, c'est trop bien. Mais non, mais tant mieux. C'est-à-dire que je les ai bien vendus. Si ça te donne envie, c'est-à-dire que j'ai réussi à les pitcher de telle sorte que ça donne envie. Je suis très contente parce qu'ils les méritent et que ouais, franchement, je les ai dévorés. C'est un truc de fou. Je me souvenais pas avoir lu aussi vite depuis très longtemps. Donc voilà, ils m'ont fait passer un très bel été. Bon bah, on fera un petit swipe quand on se verra. Exactement. Je te passe Fulane Devi et je veux que tu lises Indienne. J'espère que je t'ai donné envie de le lire, ce recueil de nouvelles, mais j'ai envie que tu le lises. Ouais, ça a l'air... Non, ça a l'air pas mal, puis c'est bien. Enfin, du coup, tu te dis, je me fais une nouvelle, je peux faire une pause, hop, je m'en fais une autre. C'est ça. Oui, parce qu'elles sont pas du tout connectées les unes aux autres, donc, enfin, voilà, quoi, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, voilà. Eh bien, écoute, je pense que c'est une fin d'épisode. Tout à fait. Exactement. Après, moi, j'aurais plein d'autres livres à vous recommander qui n'ont rien à voir avec l'Inde, mais c'est pas le sujet. Non, ce n'est pas la thématique, Mélanie. Voilà. Tu iras squatter d'autres podcasts pour parler des autres bouquins. Bonjour. C'est moi. Alors, Mélanie, où est-ce qu'on nous retrouve? Oui. Alors, on peut se retrouver sur Twitter, bv-podcast, sur Instagram, bollywood-versus, et vous pouvez nous écrire des petits mails, bollywoodversus@gmail.com. Donc, si vous avez lu l'un des livres qu'on a cités, surtout, n'hésitez pas à nous donner votre avis, si vous les avez lus aussi, si vous avez aimé, si vous avez détesté, parce que c'est très intéressant de toujours pouvoir échanger. Et si vous avez des recos, pareil, on est toujours preneuse, même si vous avez, voilà, on a une liste définie, mais ça change tout le temps, c'est comme nos épisodes, du jour au lendemain, on décide, oh non, finalement, on va faire ce film. Donc n'hésitez pas, surtout au niveau BD et biographie, n'hésitez pas à recommander, on est hyper preneuse. Et je crois que dans 15 jours, oh là là, c'est un sacré épisode qui vous attend. Oh mon Dieu, alors dans 15 jours, franchement... Il faut que vous soyez préparés à ce qui va se passer dans vos oreilles dans 2 semaines. Parce que ça va être l'anarchie. Non, j'exagère. Mais ça va être beaucoup de fangirlisme. Ça va être une grosse bouffée de nostalgie. C'est culte. Ce sera culte. Vous n'êtes pas prêts. C'est un épisode qu'on attend avec impatience. Vous n'avez pas idée à quel point. Faut pas le louper. Voilà. Ah non, il faut pas. Franchement, c'est mon épisode préféré maintenant, je crois. Ouais. Depuis et alors, qu'on a fait. Essayez même pas de deviner sur quoi ça peut porter, sur quel film, en disant oh, ça doit être celui-là. Vous n'avez aucune idée de sur quoi ça porte. Vraiment, je pense que personne ne peut imaginer. Ce qui va sortir, vraiment. Bah, vous aurez le petit indice le mercredi juste avant que ça sorte, hein, comme d'habitude. Hein, mais même en ayant l'indice, ça se trouve, vous ne trouverez pas. Hein, parce que c'est pas ultra connu, je pense. Non, non, non. Vous n'êtes pas prêts. C'est tout ce qu'on a à dire. Restez à l'affût. Ça va être très, très drôle. Bon, eh bien, écoutez, du coup, à dans 15 jours. Bonne lecture. Encore une fois, bonne rentrée. Et puis, bah, à plus. Bye bye. Bye. जन्म जन्म जन्म साथ चलना ही तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं